temps. Mais gros, j'ai gardé la même manière d'avancer. Donc au fond de moi, je suis toujours resté le même. Pour ceux qui disaient que je me suis éloigné, tu es rappé. Je l'ai déjà dit dans ma destinée.